Section 34 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 8. Les Pays-Bas de 1280 à 1477. Première partie, la Flandre et la Lotharingie jusqu'au milieu du XIVe siècle, par Henri Pirenne. Les Pays-Bas au commencement du Moyen-Âge. Les petits États, Suisse, Hollande, Belgique, qui séparent aujourd'hui la France de l'Allemagne, sont de formation relativement récente. Pays frontière par excellence, ils n'ont, ou n'ont eu, pendant longtemps, ni l'unité de race, ni l'unité géographique. C'est fort lentement qu'ils se sont dégagés, l'un du royaume d'Arles et de l'Allemagne, les deux autres de l'Allemagne et de la France. On a vu plus haut quelles ont été, pendant les premiers siècles du Moyen-Âge, les destinées des territoires dont la Réunion devait plus tard donner naissance aux Pays-Bas. La Flandre à l'ouest, la Lotharingie ou Basse-Lorraine à l'est de l'Escaut. Entre ces deux contrées, il n'y a eu, tout d'abord, d'autres rapports que ceux qui s'établissent naturellement entre pays voisins, mais étrangers l'un à l'autre. Elles ne se ressemblent qu'en un point. Toutes deux, en effet, sont bilingues, ou, pour parler plus exactement, toutes deux sont habitées par des populations de race germanique et de race romane. Le sud de la Flandre, jusqu'à Lille et Saint-Omer, presque tout le sud de la Lotharingie, c'est-à-dire le Hainaut, le Namurois, la plus grande partie du pays de Liège et du Luxembourg, une fraction importante du Brabant, conservèrent lors des invasions leur vieille population gallo-romaine. Ce sont les Wallons. Au nord, les Flamands, Tillois, descendants des Francs, s'étendent entre la mer, la Meuse et le Rhin. Au-dessus d'eux, les Frisons, leurs ennemis héréditaires, occupent les rives indécises de la mer et du lac Almer, le Zuiderzee. À l'est, et beaucoup plus bas, les Alamans se sont avancés jusqu'au premier contrefort des Ardennes et peuplent une partie du Luxembourg. Du reste, l'ère des invasions close, le groupe germanique et le groupe roman n'ont cherché ni à se séparer l'un de l'autre, ni à dominer l'un sur l'autre. Ainsi, du IXe au XIXe siècle, la frontière linguistique entre les dialectes wallons et les dialectes tiois n'a guère fléchi, et, chose plus remarquable encore, cette frontière n'a jamais été une frontière politique. Au contraire, c'est dans le territoire que traverse la ligne de démarcation entre les deux races et les deux langues que se sont formées les petites parties bilingues qui ont joué le rôle principal dans l'histoire du pays. La Flandre, le Brabant, la principauté de Liège. Quant aux comtés purement germaniques du nord, comme ceux de Hollande et de Gueldre, ils ont eu un développement beaucoup plus tardif, et ce n'est pas chez eux qu'il faut chercher au Moyen-Âge les caractères originaux de la civilisation des Pays-Bas. L'histoire politique des Pays-Bas jusqu'au XIIe siècle s'explique par l'histoire de l'Empire et par l'histoire de la France. L'Empire et la Lotharingie jusqu'au XIIe siècle. Rattachée définitivement à l'Allemagne par Henri Loiseleur, 925, la Lotharingie a été gouvernée tout d'abord au nom des Césars, germains, par un duc et des évêques. C'est grâce à ces prélats, au profit desquels ils constituent les principautés ecclésiastiques de Liège, d'Utrecht et de Cambrai, que les empereurs ont pu tenir longtemps en respect les dynastes nationaux, descendants de Gislebert et de régner au long col. Mais, après le concordat de Worms, les évêques cessent d'être des gouverneurs impériaux, et dès lors, la féodalité triomphe. La dignité ducale, octroyée presque en même temps, pendant la guerre entre Henri IV et Henri V, aux maisons rivales de Brabant, 1106, et de Limbourg, 1101, n'est plus qu'un vain titre. L'ancienne unité de la Lotharingie disparaît définitivement. Avec ses trois principautés épiscopales, ses deux duchés, ses comtés de Hainaut, de Namur, de Luxembourg, de Hollande, de Gueldre, dont plusieurs provinces de la Hollande et de la Belgique conservent encore les noms, elle prend pour des siècles une physionomie nouvelle. Désormais, ce pays tout féodal échappe à l'Empire. En 1185, sollicité par l'empereur Henri VI de prendre part à une expédition contre Philippe Auguste, le comte de Hainaut, Baudouin V, 1171-1206, répond négativement. Les raisons de son refus sont caractéristiques. Il invoque la neutralité de sa terre entre la France et l'Allemagne. La France et la Flandre du Xe au XIIe siècle. L'histoire de Flandre est, à l'origine, fort différente de celle de la Lotharingie. Tandis que les descendants de Régnier au long col sentent peser sur eux la lourde main du duc et des évêques, ceux de Baudouin Bras de Fer profitent de la faiblesse des derniers Capétiens pour établir solidement leur pouvoir sur ces territoires mi-romans, mi-germaniques, qui s'étendent du Zouin à la Somme. Rude soldat et dur justicier, ils débarrassent le pays des Normands d'abord, puis des pillards de toutes sortes qui y pullulent. De très bonne heure, leur dynastie est populaire et leur gouvernement a un caractère bien plus national que féodal. Pendant 200 ans, de mâle en mâle, leur robuste lignée se maintient sans interruption. Au Xe siècle déjà, des clercs écrivent leur histoire. En réalité, ils sont souverains. Ils parlent dans leur charte de leur regnum, de leur monarchia. L'un d'eux s'intitule fièrement Robertus Universae Flandriae Post Deum Princeps. Les seigneurs d'Ardres et de Guisnes, les cités de Tournai et de Thérouanne se mettent sous leur protection. Les rois d'Angleterre et de Danemark recherchent leur alliance. Leur renommée se répand jusqu'à l'Islande et l'on en retrouve comme un écho dans les sagas du Nord. Deux fois de suite au XIe siècle, ils ne craignent pas de se mesurer avec les empereurs et ils y gagnent l'île de Walcheren et le pays de Wais. Pendant la première croisade, Robert II s'illustre à côté de Godefroy de Bouillon et, en 1123, les princes latins offrent au comte Charles le Bon la couronne de Jérusalem. Contre de tels vassaux, les premiers rois de France ne pouvaient rien, et les quelques tentatives qu'ils firent pour s'immiscer dans leurs affaires échouèrent complètement. Mais les Capétiens savaient attendre. L'influence française en Flandre au XIIe et au XIIIe siècle. Ce sont les troubles qui éclatent en Flandre après l'assassinat de Charles le Bon, 1127, qui motive l'intervention de Louis VI dans les affaires de ce pays. Bien que le comte Guillaume Cliton, intronisé par le roi, ne se soit maintenu au pouvoir que quelques semaines, les Flamands viennent cependant, pour la première fois depuis Baudouin Bras de Fer, de s'apercevoir qu'ils ont un suzerain. Aussi, par précaution, Thierry d'Alsace, 1128-1168, s'empresse-t-il de s'allier au roi d'Angleterre. Cette politique est suivie par ses successeurs, Philippe d'Alsace, 1168-1191, Baudouin VIII, 1191-1194, Baudouin IX, 1194-1202, et Ferrand de Portugal, 1211-1233. On a vu d'ailleurs qu'elle aboutit au désastre de Bouvines. Le traité de Melun, 1225, qui en fut la conséquence, imposa à la Flandre une amende de 100 000 livres et l'engagement au roi de France jusqu'à la solution du paiement de Lille, de Douai et de l'Écluse. En même temps, l'Artois était détaché du comté qui perdait ainsi plus d'un tiers de son territoire. À partir de ce moment, l'influence française en Flandre est toute puissante. Les comtesses Jeanne, 1206-1244, et Marguerite, 1244-1280, comme leur successeur Guy de Dampierre, 1280-1305, ne sont plus que des instruments dans la main du roi. Les mandements qu'il leur adresse ne diffèrent guère de ceux qu'il envoie à ses baillis. Bien des causes expliquent l'extraordinaire docilité des princes flamands. L'impuissance momentanée de l'Angleterre, les difficultés sans cesse renaissantes à l'intérieur entre eux et les grandes villes du pays, mais surtout la lutte qu'ils ont à soutenir contre les comtés de Hainaut et de Hollande. Les principautés lotharingiennes au XIIIe siècle. Tandis que l'indépendance du comte de Flandre vis-à-vis de son suzerain diminue de plus en plus, celle des princes lotharingiens vis-à-vis du leur ne cesse d'augmenter. Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, les pays entre la Meuse et l'Escaut n'appartiennent plus guère que de nom à l'Empire. Les empereurs semblent se désintéresser de ces contrées lointaines. S'ils interviennent dans les affaires de leurs princes, c'est du fond de l'Allemagne, par l'envoi de diplômes, que la majesté de leur formule n'empêche pas de n'être guère respectée. On ne les voit agir énergiquement ni pendant la longue guerre des Davennes et des Dampierre, ni pendant celle de la succession du Limbourg. Le Hainaut s'unit à la Hollande, le Brabant au Limbourg, sans qu'il paraisse attacher aucune importance à ces événements. Leurs derniers partisans ont beau les appeler désespérément à l'aide, leur montrer sur les frontières les progrès toujours grandissants du roi de France, rien n'y fait. Le Brabant. Des principautés lotharingiennes, la plus puissante est le duché de Brabant. Son vaste territoire s'étend sur les deux provinces belges actuelles, de Brabant et d'Anvers, et sur la province hollandaise de Brabant septentrional. À l'est, les comtes de Loos, de Hoorn, de Gueldre sont les vassaux ou les protégés du duc. Henri III, 1247-1261, et Jean Ier, 1261-1294, interviennent dans les querelles des seigneurs rhénans. À Cologne, ils soutiennent la bourgeoisie contre l'archevêque. Quand, après la bataille de Wieringen, 1288, Jean Ier a conquis le Limbourg, il est maître du cours de la Meuse. À l'ouest, le duc possède Louvain, Bruxelles et Anvers. Autour de ces grandes cités se développent, au cours du XIIIe siècle, des villes nouvelles. Tirlemont, Diest, Léo, Aerschot, Bois-le-Duc, Bréda. Entre ces communes et leurs suzerains, qui de toutes ses forces favorisent leur prospérité, les rapports sont excellents. Les princes brabançons jouissent dès le XIIIe siècle d'une véritable popularité et le loyalisme de leurs sujets contraste singulièrement avec l'hostilité qui règne alors en Flandre entre le comte et les bourgeoisies. À l'extérieur, la situation du duc n'est pas moins favorable. Par des mariages, il est apparenté aux maisons royales d'Angleterre et de France. Du reste, fier de son origine carolingienne, il n'est pas loin de se croire l'égal des rois ses voisins. Boendal, dans ses Brabantsche Gesten, salue en lui le dernier descendant de Charlemagne et l'héritier direct du royaume de France. Le Hainaut lutte des maisons d'Avesnes et de Dampierre. Au sud du Brabant, le Hainaut présente un caractère plus féodal et plus agricole. Les grandes villes y sont rares, sauf Valenciennes, dont le développement est contemporain de celui des grandes communes flamandes, on n'y peut guère citer que Mons. Et encore, la prospérité de cette ville ne date-t-elle que de la fin du Moyen-Âge. Cependant, la dynastie des comtes de Hainaut a joué, pendant la première moitié du XIIIe siècle, un rôle fort important. Le comte Baudouin V, en effet, à la mort de Philippe d'Alsace, 1191, avait hérité de la Flandre. Et, sous ses successeurs, Baudouin VI, Jeanne et Marguerite, les deux comtés n'avaient cessé d'être réunis. Malheureusement, cette union ne devait pas durer. En 1212, la comtesse Marguerite avait épousé un seigneur ennuyé, Bouchard d'Avesnes. Après 4 ans de mariage et la naissance de 2 fils, Jean et Baudouin, Bouchard, convaincu d'avoir jadis appartenu au clergé, fut excommunié et sa femme sommée de le quitter. Elle s'y refusa longtemps. Durant plusieurs années, elle témoigna à son mari une fidélité inébranlable et l'accompagna dans sa retraite au château de Houffalize, dans une des gorges les plus sauvages de l'Ardenne. Puis, brusquement, et sans que l'on connaisse les motifs d'un revirement si éclatant, elle l'abandonna, pour s'unir bientôt après à Guillaume de Dampierre, 1224. Devenue mère de nouveau, elle n'eut désormais plus qu'une pensée, assurer à l'aîné des enfants de son second mariage, Guillaume de Dampierre, puis, après la mort de celui-ci, à son autre fils, Guy, l'intégrité de sa succession. Malgré tous ses efforts, malgré l'accusation de bâtardise qu'elle ne craignait pas de lancer contre les enfants de son premier lit, elle échoua. Après une curieuse enquête, dont nous avons conservé le texte, la naissance des Davennes fut déclarée légitime. En 1246, Saint-Louis prit comme arbitre dans la querelle, décida qu'à la mort de leur mère, ils hériteraient du Hainaut, tandis que la Flandre reviendrait aux Dampierre. Aucune des parties ne fut satisfaite de la sentence. Jean d'Avennes, prétendant que le roi de France n'avait pu disposer de la Flandre impériale, en demanda l'investiture à l'empereur. En même temps, il s'alliait par mariage au comte de Hollande, Guillaume II. Cette alliance était habile. Depuis le XIIe siècle, en effet, les comtes de Hollande n'avaient cessé de disputer aux Flamands la possession des îles de Zélande. Secondés par le Hainaut, ils allaient pouvoir renouveler leur antique prétention. La stérile dignité du roi des Romains, qu'au milieu des désordres du grand interrègne, quelques princes de l'Empire décernèrent à Guillaume II, lui servit du moins à prononcer la confiscation de la Flandre impériale au profit des Davennes. Les Flamands furent vaincus à Westcappel et en Hainaut. L'intervention de Charles d'Anjou, auquel Marguerite, dans son affolement, avait promis ce dernier comté, échoua. Ni la mort de Guillaume II en 1256, ni celle de Jean d'Avennes en 1257, ni celle de Marguerite en 1280, ne mirent fin à la lutte. Avec un acharnement incroyable, elle fut continuée par leurs enfants. Guy de Dampierre d'une part, Florent V de Hollande et Jean II d'Avennes de l'autre. À l'extérieur, le roi de France soutenait les prétentions du comte de Flandre, son vassal, tandis que l'empereur, incapable d'agir, se bornait à renouveler, au profit des Davennes, la confiscation de la Flandre impériale, sans que Guy s'en émût le moins du monde. On en était là quand l'assassinat de Florent V, 1296, fit monter sur le trône des comtes de Hollande son fils Jean II, pauvre avorton sans intelligence, sans énergie, qu'une attaque de dysenterie emporta 3 ans après, 1299. Lui mort, son oncle Jean d'Avennes recueillait sa succession et unissait au Hainaut la Hollande, qui allait partager désormais les destinées des principautés du sud des Pays-Bas. Le comté de Hollande. Jusque-là, le comté de Hollande n'avait eu, sauf ses longs démêlés avec la Flandre pour les îles de Zélande, que peu de rapports avec ses voisins méridionaux. Sa tâche était dans le nord, et ses princes s'y adonnaient tout entiers. Rudes soldats, leur histoire n'est qu'une suite de guerres. Guerre contre les évêques d'Utrecht, contre les comtes de Gueldre, mais surtout contre les Frisons. Seuls, parmi les princes des Pays-Bas, les comtes de Hollande ont été conquérants et colonisateurs. Ils ont conquis la Frise, comme, à l'autre extrémité de l'Empire, les margraves de Brandebourg conquéraient le pays des Vendes. La lutte a été dure. Pour combattre les paysans frisons, il fallait attendre que les glaces eussent rendu accessibles leurs îles et leurs marais. Les grandes inondations qui, au XIIe et au XIIIe siècle, coupèrent la Frise en deux et firent du lac Almer le Zuiderzee, facilitèrent la conquête des pays situés au nord d'Alkmaar. Au milieu du XIIIe siècle, pourtant, ils se soulevèrent encore. Une expédition dirigée contre eux par Guillaume II échoua complètement. Le comte-roi fut laissé parmi les morts au milieu des prairies gelées, 1256. Florent V eut enfin raison de la révolte. Il ajouta à son titre de comte de Hollande celui de seigneur de Frise. Il construisit des forteresses, fonda des villes, donna au pays le droit du Kennemerland. Au moment où il passait à la maison d'Avennes, le comté de Hollande avait atteint au nord le Merzdiep. Les principautés ecclésiastiques. À côté des principautés laïques, les territoires ecclésiastiques de Cambrai, d'Utrecht, de Liège rappellent encore, en Lotharingie, la puissance de l'ancienne église impériale. Resserré entre la France et les comtés de Hainaut et de Flandre, l'évêque de Cambrai n'a guère augmenté les possessions de son église. Elles ne comprennent que sa cité épiscopale et quelques terres avoisinantes. Encore, les révoltes incessantes de la bourgeoisie, appuyées par les comtes de Hainaut, l'ont-elles dépouillé de bonne heure d'une grande partie de ses revenus et de ses justices. Comme son collègue français l'évêque de Tournai, l'évêque de Cambrai n'est en somme qu'un petit prince. Il en est tout autrement de ses collègues d'Utrecht et de Liège. Ainsi que son voisin, le comte de Hollande, l'évêque d'Utrecht s'est agrandi aux dépens des Frisons. Son territoire, Heidstick, outre de vastes terres entre le Rhin et le Zuiderzee, s'étendait sur l'Overyssel et sur la Drenthe jusqu'à Groningue. Mais cette brillante fortune ne se maintint pas. Comme les comtes de Hainaut à Cambrai, les comtes de Hollande à Utrecht soutiennent les bourgeois contre l'évêque. D'autre part, une formidable révolte éclate dans la Drenthe pendant la première moitié du XIIIe siècle et met fin, dans ce pays, à la domination épiscopale. Dès lors, le rôle de la grande principauté ecclésiastique du Nord a cessé. Elle tombe sous la dépendance du comte de Hollande, qui y dispose à son gré des élections. Seul, l'évêque de Liège a su échapper à la tutelle des princes laïcs voisins. Malgré les efforts du duc de Brabant, malgré son habileté à saisir toutes les occasions d'intervenir dans les nombreux conflits qui, au cours des XIIIe et XIVe siècles, éclatent entre l'évêque et ses villes, aussi puissantes et aussi promptes à la révolte que les villes flamandes, le pays de Liège a conservé son indépendance jusqu'au XVIIIe siècle. Les ducs de Bourgogne eux-mêmes ne réussiront pas à l'annexer à leurs états. Loin de diminuer avec le temps, le pouvoir des évêques ne cesse d'augmenter. Ils acquièrent successivement les comtés de Moat et d'Avernasse, la ville de Saint-Trond, le comté de Looze. La seigneurie de Maestricht est indivise entre eux et les ducs de Brabant. Le long de la Meuse, Liège, Huy, Dinan ne sont pas moins prospères que les villes brabançonnes et flamandes. Bizarrement découpée, la principauté touche à la fois le Brabant, le Limbourg, le Luxembourg, le Hainaut, le Namurois. Le comte de Hainaut, depuis le XIe siècle, est, nominalement du moins, vassal de l'évêque, et le comte de Flandre lui-même tient de lui quelques terres. Ainsi, le prince de Liège est mêlé à toutes les intrigues, à toutes les querelles du petit monde féodal des Pays-Bas. Très habilement, il sait se ménager des alliances, s'appuyer sur un prince pour résister à un autre. En outre, son ressort spirituel est le plus étendu de toute la Lotharingie, dont il comprend presque un tiers. Les efforts des ducs de Brabant, au XIIIe et XIVe siècle, et plus tard ceux de Charles le Téméraire pour en obtenir le démembrement, resteront sans effet. La politique française en Lotharingie après le grand interrègne. À mesure que le pouvoir impérial se retire de la Lotharingie, celui des rois de France s'y introduit, et ses progrès y sont tout d'abord si rapides qu'on peut croire, dès lors, que ce pays est destiné tôt ou tard au même sort que le royaume d'Arles. Philippe le Hardi, beau-frère du duc de Brabant Jean Ier, prend une part active, après la bataille de Wöhringen, aux négociations relatives à la succession du Limbourg. En 1277, il mande l'évêque de Liège à Paris et termine par une sentence la guerre qui a éclaté entre lui et le comte de Flandre à propos du Namurois. À le voir agir, on le prendrait pour le suzerain des princes lotharingiens. L'attitude de Philippe le Bel est encore plus caractéristique. Il réclame l'Ostrevent comme fief de la couronne, accorde son protectorat aux bourgeois de Valenciennes qui, révoltés contre le comte de Hainaut, se donnent à la France, paye une pension à l'évêque de Liège et se fait prêter par lui serment de fidélité. Enfin, il laisse écrire par ses légistes que les frontières du royaume de France s'étendent jusqu'au Rhin. Ainsi, entre le pouvoir de l'empereur et celui du roi, l'équilibre est décidément rompu. La force d'attraction qu'exerce la monarchie française attire lentement, mais d'une manière irrésistible, l'ensemble des Pays-Bas. Et pourtant, au moment où la politique de Philippe le Bel semble sur le point de triompher, la face des événements change tout à coup. La résistance, impossible aux princes féodaux, ce sont les villes qui vont l'entreprendre. Sans l'avoir voulu, sans l'avoir prévu, les grandes communes flamandes empêchent, à la fin du XIIIe siècle, l'absorption des Pays-Bas par la France. Les villes flamandes et Philippe le Bel. Quand on étudie l'histoire de Flandre au XIIIe et au XIVe siècle, un grand fait apparaît tout d'abord. L'importance extraordinaire du rôle joué par les villes dans ce pays. Si les communes du Brabant et de la principauté de Liège ne le cèdent guère pour la richesse et l'activité aux communes flamandes, il s'en faut de beaucoup qu'elles aient exercé une action politique aussi décisive. Ypres, Gand et Bruges occupent vraiment, dans l'histoire de Belgique, la même place que Milan, Pise et Florence dans celle d'Italie. Leurs différends avec le comte, leurs luttes de parti, leur guerre civile, leur situation économique n'ont pas un intérêt seulement local. Si l'on n'en tient pas compte, on risque de ne rien comprendre aux diverses phases des relations entre les Pays-Bas et le roi de France avant l'avènement de la maison de Bourgogne. La première intervention des villes flamandes dans le politique est contemporaine de la première tentative faite par le roi pour rétablir son autorité sur le comté. C'est une révolte des bourgeoisies qui a renversé en 1128 Guillaume de Normandie, intronisé par Louis VI. Thierry et Philippe d'Alsace, Baudouin VIII et Baudouin IX, favorisèrent de toutes leurs forces le développement des villes et leur rapport avec elles semble avoir été presque toujours excellent. Il en est autrement à partir du XIIIe siècle. Dès lors, en effet, Arras, Lille, Douai, Ypres, Bruges et Gand sont arrivés à un point de prospérité inouï. Guillaume le Breton semble éprouver, à la vue de leur richesse et de leur puissance, le même étonnement qu'Otto de Frisingen en présence des communes lombardes. Ces grandes villes, désormais, n'ont plus besoin de protecteurs. Elles entendent se gouverner elles-mêmes. Elles ne voient plus dans le comte qu'un maître, dont les intérêts dynastiques ou politiques sont souvent incompatibles avec ceux de leur commerce et de leur industrie. Déjà, sous Marguerite, les villes ont obligé la comtesse à faire la paix avec le roi d'Angleterre, et, dans la suite, leurs relations avec le prince deviennent de plus en plus tendues. Comme toutes les autres villes des Pays-Bas, les villes de Flandre, à cette époque, ont un gouvernement aristocratique ou, pour parler plus exactement, patricien. Les grands bourgeois, riches marchands et capitalistes, Poorters, Gelachten, jouissent seuls des droits politiques. Les gens de métier, les hommes aux ongles bleus, sont exclus de toute participation à l'administration municipale. Seuls les lignages fournissent à la ville ses échevins. À Gand, surtout, le gouvernement est aux mains de quelques familles. Les 39, recrutés par des cooptations et nommés à vie, disposent souverainement de la justice, de la police et des finances urbaines. Partout, les majors se trouvent en face des minors. Entre eux, le conflit n'est pas seulement politique. Il est aussi économique et social. Dans ces villes drapières de Flandre, les marchands de drap formant la plus grande partie du patriciat, comme les tisserands et les foulons forment la plus grande partie du peuple, l'administration urbaine est, en quelque sorte, aux mains d'un syndicat de patrons et prend assez nettement le caractère d'une tyrannie de classe. Dès le règne de Guy de Dampierre, les troubles sont incessants. Les deux parties se dressent en armes en face l'un de l'autre et de véritables batailles éclatent. Émeute de Coquerulles à Ypres et de la Mohorlemais à Bruges. Un rapprochement était fatal entre le comte et les gens de métier. Tout pouvoir central est nécessairement l'ennemi d'une aristocratie exclusive. Guy supportait impatiemment ces orgueilleux échevins qui se refusaient à tout contrôle, ne rendaient à personne compte de leur gestion, traitaient sans son intermédiaire avec les villes et les princes voisins, intervenaient même dans sa politique, méprisait ses baillis et usurpait les revenus de ses domaines. En 1280, les chartes de Bruges ayant péri dans l'incendie du Beffroi, ils refusent de les renouveler, et celles qu'ils leur substituent restreignent considérablement les franchises urbaines. À Gand, il prétend exercer une active surveillance sur l'administration des 39. Il est clair que, soutenu par le petit peuple qui applaudit à ses mesures, le comte veut ruiner la puissance du patriciat. Contre la coalition menaçante du prince et des artisans, il faut à celui-ci un allié. Et cet allié, c'est le roi de France. Déjà, sous Philippe le Hardi, les patriciens de Bruges et de Gand avaient, à diverses reprises, porté leur plainte contre le comte devant le Parlement de Paris. Les sentences, en général, ne leur avaient pas été favorables. Il en fut autrement sous Philippe le Bel. Le roi, en France si hostile aux communes, les soutient systématiquement en Flandre contre leurs suzerains. Il prête une oreille bienveillante à leurs réclamations, leur envoie des enquêteurs et des commissaires spéciaux, charge le bailli de Vermandois de les protéger, ne laisse pas échapper une occasion de leur donner des preuves de sa faveur. C'est qu'il a compris qu'entretenir leur hostilité contre le comte est le meilleur moyen d'affaiblir un vassal encore redoutable. Ainsi, par la force des choses, le parti patricien est devenu, en Flandre, le parti de la France. Le peuple ne s'y trompe pas. Il appelle les grands bourgeois, les Liertz, c'est-à-dire Jean d'Ulysse. Quant à Guy de Dampierre, s'il avait peut-être tout d'abord conservé quelques illusions sur le but visé par Philippe le Bel, elles durent disparaître quand il vit son ennemi héréditaire, le comte de Hainaut-Hollande s'allier à son tour au monarque français, contre lequel il avait, pendant si longtemps, fait appel à l'empereur. Dès lors, il était évident qu'une coalition formidable se formait contre le prince flamand. Il ne restait plus à celui-ci qu'un parti à prendre, revenir à la politique de la maison d'Alsace et, pour résister à son suzerain, chercher un appui dans l'Angleterre. On a vu plus haut les résultats de cette politique. Bataille de Courtrai et de Mont-Saint-Pével, traité d'Athy, 1305. La révolution démocratique en Flandre. Si la paix à l'extérieur était rétablie, la Flandre, au XIVe siècle, ne devait plus cesser d'être agitée par la guerre civile. Une restauration aristocratique paraît avoir suivi le traité d'Athy. Bruges, pourtant, était resté aux mains des plébéiens. Sous la conduite de capitaine Hoftmanen, le peuple des campagnes environnantes, instigé par les démagogues de la grande ville, prend les armes. Dans la Flandre maritime, de l'Écluse à Dunkerque, les châteaux des nobles sont pillés, les riches traqués partout, les églises et les monastères dévastés. C'est une vraie jacquerie. Exaspéré par les lourds impôts, qui à la suite de la guerre contre la France ont été frappés sur le pays, le peuple tourne maintenant sa colère contre le comte. Louis de Nevers, le successeur de Robert de Béthune, est fait prisonnier par les révoltés. Abandonnant alors décidément l'Angleterre, le comte fait appel à son suzerain, le roi de France Philippe le Bel, et la bataille de Cassel, 1328, raffermit momentanément son pouvoir. Mais le parti populaire ne tarde pas à relever la tête. La guerre de Cent Ans lui fournit l'occasion de prendre une revanche éclatante. Si le respect de la foi jurée, la reconnaissance et les intérêts dynastiques devaient faire du comte, au moment où éclata la guerre de Cent Ans, un allié de la France, ces considérations n'avaient aucune prise sur les grandes villes flamandes. Pour elles, la rupture avec l'Angleterre, c'était la ruine. Qu'Édouard III, en effet, interdit l'exportation de la laine anglaise en Flandre, comme l'avaient fait déjà à diverses reprises ses prédécesseurs, aussitôt, à Bruges, à Ypres, à Gand, les métiers cessaient de battre et l'on voyait les tisserands et les foulons, sortant des villes par bandes, parcourir la campagne de village en village, de château en château, en mendiant leur pain. Tous les désordres de la grève coïncidaient ainsi régulièrement, dans ce pays de grande industrie, avec les crises économiques. Dès lors, l'alliance des villes avec l'Angleterre était inévitable. Les efforts du comte pour l'empêcher ne servirent qu'à précipiter les événements. Partout, les artisans s'agitent et se prononcent énergiquement contre la France. À Gand, Jacques van Artevelde vient d'établir une constitution municipale qui remet tout le pouvoir aux mains des gens de métier. Aussitôt, de la mer à l'Escaut, l'exemple est suivi et appuyé par le parti démocratique triomphant. Artevelde devint un véritable dictateur. Le régime démocratique et la prédominance de Gand ne devaient, ni l'un ni l'autre, durer fort longtemps. Maître de l'administration municipale dans toutes les grandes communes, les métiers ne tardent pas à se diviser en factions ennemies. Le plus puissant de tous, celui des tisserands, s'attire bientôt la haine des autres artisans de la draperie, dont il prétend réglementer le salaire. À Gand, les foulons s'insurgent et 500 d'entre eux sont impitoyablement massacrés. 2 mai 1345. D'autre part, Ypres et Bruges, surtout, supportent impatiemment le protectorat de leurs rivales. Les petites villes, qui ont perdu toute autonomie et sont gouvernées par des commissaires gantois, font secrètement appel au comte, avec lequel les foulons, de l'autre côté, cherchent un rapprochement. Bref, le mécontentement contre le nouveau régime grandit de plus en plus. Le 17 juillet 1345, Jacques van Artevelde est assassiné et Louis de Mal, qui vient de succéder à son père tué à Crécy, rentre dans ses états. Cependant, les armées anglaises, opérant désormais contre la France par la Bretagne et la Normandie, ne paraissent plus en Flandre. Privés de leur appui, le parti démocratique ne se maintient que difficilement. Peu à peu, une réaction s'opère. Un régime plus modéré, partageant l'administration urbaine entre la grande bourgeoisie et les métiers, s'établit dans la plupart des villes. Gand seul reste inébranlable. Le sort de la démocratie ouvrière semble dépendre de l'issue de la lutte sauvage, mais grandiose, que cette puissante cité, réduite à ses seules forces, soutient contre le comte. À Paris, les chefs du Parti populaire ont les yeux tournés vers elle. les Liégeois, révoltés aussi contre leur prince, lui envoient 600 chariots de vivres. Affamé par un long siège, à demi ruiné, leurré par les promesses du roi d'Angleterre, qui la pousse à la résistance pour l'abandonner au moment décisif, elle semble pourtant sur le point de triompher dans un suprême effort. Commandés par Philippe van Artevelde, les Gantois battent Louis de Mal et les Brugeois à Beverhoustvelde, et un instant reconquièrent la Flandre à leur politique. Ils sont écrasés à Rosebeek, 1382. Pourtant, ils résistent encore. Sous la conduite d'Ackermann, ils prolongent une guerre sans espoir. Ils ne déposent les armes qu'au moment où Philippe le Hardi succède à Louis de Mal. En 1385, une paix définitive est conclue avec le nouveau comte et une amnistie générale est proclamée. Fin de la section 34.